شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. معاشر المسلمين، إن الله تبارك وتعالى وهب لكم جارحة كبرى وآلة عظمى لها ما لها من الفوائد العظام والغايات الجسام، لكنها مع ذلك تمثل الخطر الفعال على الإنسان في الحال والمآل. تلك الجارحة هي اللسان. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه الترمذي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سلامه؟ فقال معاذ رضي الله عنه: بلى يا نبي الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي. وبهذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحكم زمام لسانه غاية الإحكام وأمسكه لئلا يقع في الخطايا والآثام فهو حري بدار الرضوان، بعيد عن سخط الرحمن، مجتنب لمسالك الشيطان. عباد الله، كم أثار هذا اللسان من العداوة، وكم أعقب من شقاوة، وكم أفسد شهر الأحبة، وكم أهان صاحبه، وأوجب له النار، وحمله ما لا يطيق من الآثام والأوزار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. شخص عبد الله، je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, car la crainte du Seigneur de l'univers est source de secours ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses, tel est le commandement d'Allah qu'il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné un organe de votre corps qui est très important et un outil grandiose. Cet organe possède de très nombreux points positifs et de nombreux avantages. Mais en même temps, cet organe constitue un énorme danger pour le musulman, ici-bas et dans l'au-delà. Cet organe, chers frères et sœurs, c'est la langue. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque s'éveille le fils d'Adam, tous ses membres mettent en garde sa langue en lui disant: crains Allah afin de le préserver, car nous procédons de toi. Si tu te montres droit, nous le serons également, mais si tu te montres fourbe, nous le serons aussi. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Et Mu'adh ibn Jabal, le célèbre compagnon, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour lui a dit: veux-tu que je t'informe de la chose la plus importante de la religion et le pilier de la religion sur lequel il repose est son haut degré? Mu'adh radiallahu anhu répondit: bien sûr, au messager d'Allah. nous tiendra-t-on rigueur de ce que nous disons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, que ta mère te perde, les gens seront-ils jetés en enfer sur leur visage ou sur le bout de leur nez pour autre chose que ce que leur langue a semé? Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui maîtrise sa langue et la retient afin qu'elle ne commette pas d'erreur et de péché, celui-là méritera les jardins de l'agrément au paradis et sera alors loin de la colère d'Allah et loin des sentiers du diable. Chers frères et sœurs, combien de haine entre les gens causée par cette langue? Combien de peine entre les musulmans causée par cette langue? Combien de division entre les musulmans causée par cette langue? Combien de gens humiliés à cause de cette langue? Et combien de gens entreront en enfer à cause de cette langue? Combien de péchés énormes causés par cette langue? Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur peut, sans y prendre garde, prononcer une parole qui le fera trébucher en enfer sur une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Ikhwat al-Islam. إذا كان هذا اللسان بهذه الخطورة فإن معرفة آفاته في غاية الضرورة حتى نأخذ بأسباب النجاة ونتلافى تلك الآفات ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه فإن عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يا رسول الله ما النجاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسأك بيتك وابكي على خطيئتك رواه الترمذي. فمن عظيم آفة اللسان الوقوع في الشرك والكفران فبكلمة واحدة قد يكفر الإنسان ثم يخلد بعدها في النيران عياذا بالله. يقول الله تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام. Chers musulmans, si le musulman se rend compte de la dangerosité de cette langue, il est donc impératif pour lui de connaître ses dégâts afin de s'armer de tous les moyens pouvant le sauver le jour de la résurrection, afin de nous détourner de ses dégâts et pour mettre en application le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné à Uqbah ibn Amir radiallahu anhu. Car ce compagnon est venu un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, en quoi consiste le salut » c'est-à-dire le sauvetage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Tiens ta langue, reste chez toi et pleure sur tes péchés. » Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Car parmi les grands dégâts de la langue, le fait qu'elle fait tomber l'homme dans l'association et la mécréance. Par une seule parole, la personne passe de l'islam à la mécréance. Et après cela, l'homme se retrouve jeté en enfer pour l'éternité. Allah dit dans le Coran, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ikhwat al-Iman. Wa min mubiqat al-lisan al-kabira wa afat al-khatira al-qawl 'ala Allah bil-'ilm wa at-tasarru fi itlaq al-fatawa duna dirayati wa fahm. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa la taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allah al-kadhib inna alladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adhabun alim. Wa min afat al-lisan kadhalik wa conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas, ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Également, parmi les dégâts de la langue, le fait de faire un faux témoignage, c'est un des pires péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a placé juste après le shirk, l'association et la désobéissance aux parents. Selon Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe concernant le plus grave des péchés majeurs? Il répéta cela trois fois. Les compagnons radiallahu anhum répondirent: oui, ô prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: c'est le fait d'associer à Allah notre divinité, la désobéissance envers les parents. Et il était accoudé, il s'est assis et il dit: le faux témoignage. Et il n'a pas cessé de répéter cela jusqu'à ce que les compagnons dirent alors: nous souhaitâmes qu'il se taise. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et au Muslim, من هذه الخصال الذميمة التي تجلب الإثم وتقطع حبال المودة الحميمة الكذب والغيبة والنميمة. وهذا هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ينادي هؤلاء المبتلين فيقول لهم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المغتابين الذين يؤمنون بألسنتهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم. الحديث أخرجه أبو داود. فالعاقل اللبيب من أخذ بوصية المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم وتجنب غيبة المسلمين وإن اختلف مع إخوانه وسول له شيطانه وكاد أن ينطق بالغيبة والنميمة لسانه. وإذا ce sont ceux qui mangent la chair des gens et qui portent atteinte à leur honneur, rapporté المستكملين الشرفا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عباد الله من الناس من ابتلي بضعف الايمان وسلاطه اللسان فصرف همته ووجه طاقته وضيع اوقاته سبا وتجريحا وتنقيصا وتسفيها لعلماء الامه ورجالها المخلصين علماء اهل السنه والجماعه ممن نذروا انفسهم لحمايه حوزه الدين وارشاد المسلمين وتنبيه الغافلين. وفي هذا يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله من علماء القرن السادس الهجري يقول: اعلم يا اخي، وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، ان لحوم العلماء مسمومه، وسنه الله في من هتك استارهم معلومه، وان من رمى العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه رحمه الله. شسر بك الله. Certaines personnes, certains musulmans sont éprouvés par une faiblesse de la foi et une sévérité de leur langue. Et ils dépensent toute leur énergie et gaspillent tout leur temps à insulter et à médire sur les savants de l'islam et l'ulama en les dénigrant et en les discréditant. Les savants de la nation musulmane, les savants des gens de la sunna. Les hommes des hommes sincères et véridiques, des gens qui ont consacré leur vie pour propager et protéger cette religion et guider les musulmans et réveiller les insouciants. Al-Hafiz ibn Asakir, rahimahullah, parmi les savants du 6e siècle de l'Égypte, il nous dit, pour nous mettre en garde contre cela, il nous dit: sache, ô mon frère, qu'Allah nous accorde son agrément et fasse de nous ceux qui le craignent véritablement, que la chair des savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, est empoisonnée et que la punition d'Allah pour ceux qui les dénigrent est connue. Et que celui qui les critique, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. Ikhwat al-Iman. Wa min azim hadhihi al-afat al-istihza'u bid-din wa ahlihi. Fa 'an 'Abdillah ibn 'Umar radiyallahu 'anhuma qala: qala rajul fi ghazwati Tabuk fi majlis: ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghaba butunan wa akdhaba asina wa al-ajbada 'inda al-liqa. Yaqsid an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam. Il nous dit à un rassemblement pendant la bataille de Tabuk. et qui mentent autant dans leur discours et qui sont lâches lorsqu'ils rencontrent l'ennemi. Il voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Un homme lui dit alors, tu as menti, tu n'es qu'un menteur ou bien un hypocrite. Je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nouvelle fut annoncée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah fit descendre le verset de sourate At-Tawbah. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu m'a dit, je voyais alors l'homme prenant le sac qui se trouvait sur la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et recevant de la poussière et des cailloux de la chamelle en marche en disant, ô messager d'Allah, nous ne faisions que plaisanter et jouer en disant cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de lui répéter et de lui réciter le verset de surat At-Tawbah où Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce d'Allah et de ses signes et de ses messagers dont vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Et il faut que les gens donc se mettent en garde contre cela et ils fassent très attention. Car il y a parmi des musulmans des gens qui se moquent de l'islam. Il y a des gens parmi les musulmans qui se moquent des gens qui vont à la mosquée. Il y a des gens parmi les musulmans qui se moquent des sœurs qui portent le hijab. Il y a des musulmans qui se moquent des frères qui portent la barbe. Et cela rentre dans le fait de se moquer de l'islam. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit, parmi les choses étonnantes, le fait qu'il est facile pour certains musulmans de s'abstenir de consommer l'illicite, ou bien d'être injuste, ou bien de forniquer, ou bien de voler, ou bien de boire de l'alcool et de regarder l'interdit. Pour certaines personnes, tout cela est facile. Mais en même temps, il prononce des paroles causant la colère d'Allah sans y faire attention. Ces mots le font trébucher en enfer dans une distance supérieure à celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Combien voyons-nous d'hommes délaissant par piété les turpitudes et l'injustice alors que sa langue émince et taille la réputation des morts et des vivants? Ikhwat al-Iman. Laqad kana aslafuna khayra mathalin lil-imtithal li amri Allah 'azza wa jalla wa fi hifdhi al-lisan wal-jawarih 'an al-khati'ati wal-zalal. رجل اسمه الربيع بن خيثم من التابعين كان إذا أصبح وضع قرطاسا وقلما بجانبه وكان لا يتكلم بشيء إلا كتبه ثم إذا أتى المساء حاسب نفسه ولذلك وقرأ ما كتب في قرطاسه ولذلك يقول أحد أصحابه صحبت الربيع أكثر من 20 سنة فما سمعت منه كلمة يعاقب عليها. ويقول الحسن البصري رحمه الله يا عجبا لابن آدم حافظاه على رأسه لسانه قلمهما وريقه مدادهما وهو بين ذلك يتكلم فيما لا يعنيه. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. عياذا بالله. Prédécesseurs de l'islam étaient le meilleur exemple de la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de maîtriser sa langue et ses membres dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas commettre d'erreurs et de faux pas. Parmi ces gens-là, il y a un homme qui s'appelle Rabi' ibn Khaythan parmi les tabi'in. Lorsqu'il se réveillait le matin, il posait à côté de lui un cahier et une plume. Et il ne prononçait pas une seule parole sans l'écrire. Puis, le soir, il lisait ce qu'il avait écrit pour faire son propre examen de conscience. C'est pour cela que, dit l'un de ses élèves et rapproché, il nous dit, j'ai accompagné un Rabi' ibn Khaythan plus de 20 ans. Pendant 20 ans, j'étais avec lui et je n'ai jamais entendu dire une parole par laquelle il serait puni. Et Hassan al-Basri, rahimahullah, il nous dit, l'enfant d'Adam est étonnant. C'est-à-dire l'homme est étonnant. Ses deux anges sont au-dessus de sa tête. Sa langue, c'est leur plume. Et sa salive est leur encre. Et malgré cela, il parle de choses qui ne le regardent pas. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, disait, celui qui parle beaucoup, il fait beaucoup de lapsus. Et celui qui fait beaucoup de lapsus, fait beaucoup de péchés. Et celui qui fait beaucoup de péchés, le feu sera l'endroit le plus adéquat pour lui, sallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yutahhira al-sinatana min al-kadhibi wal-ghibati wal-namima wa an yutahhira qulubana min al-khadi'ati wal-athar wa an yutahhira qulub a'yunana min al-khiyana. Allahumma ihfazna bi hifdhik wa qina bi ri'ayatik. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin. Allahumma دينك وكتابك وسنة نبيك رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة